إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله كثير من الناس يظن أن الغنى دليل على محبة الله للعبد وأن الفقر دليل على بغض الله للعبد وهذا ظن خاطئ قال الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا أي ليس الأمر كما تظنون فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الإيمان والدين إلا لمن يحب فقط عباد الله وهذا الميزان المقلوب والظن الخاطئ وقع فيه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة فظنوا أنهم أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فظنوا أنهم أفضل من الفقراء حتى أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرد الفقراء من مجلسه ليجلسوا هم إليه فأنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها عباد الله وأنزل الله عز وجل على رسوله في نفس السورة قصة أو قصة صاحب الجنتين مع صاحبه الفقير فقال الله جل وعلا واضرب لهم مثل الرجلين واضرب لهم مثل الرجلين الرجل الأول هو صاحب الجنتين الغني المغرور بماله والرجل الثاني هو المؤمن الفقير المعتز بإيمانه عباد الله تعالوا بنا لنستمع إلى وصف الجنتين كما جاء في كتاب ربنا جل وعلا قال تعالى جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكانت له ثمر عباد الله وصف الله عز وجل الجنتين بصفات وهي الصفة الأولى كون كل واحدة منهما جنة والصفة الثانية وحففناهما بنخل أي جعلنا النخل محيطا بهما والصفة الثالثة وجعلنا بينهما زرعا أي جعلنا بين الأشجار زرعا والصفة الرابعة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا والصفة الخامسة وفجرنا خلالهما نهرا أي كان النهر يجري في داخل الجنتين والصفة السادسة وكانت له ثمر أي كان لذلك الرجل ثمر عظيم عباد الله يقول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره عباد الله لنستمع إلى الآية القرآنية التي يخبرنا الله فيها عن تصرفات وأقوال وصفة صاحب الجنتين هذا قال الله جل وعلا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فانظر عباد الله إلى هذا الغناء الغني المغرور دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظن أن تلك الجنة باقية وأن نعيمها دائم، ولذلك ركن إليها وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ونتج عن ركونه إلى جنته واكتفائه بما فيها ونسيانه لدار الآخرة وإنكاره لقيام الساعة، فقال: وما أظن الساعة قائمة. وقال: لئن كان هنائك معاد وبعث بعد الموت ورجعة ومرد إلى الله جل وعلا ليكونن لي هنالك أحسن مما عندي الآن، فلولا منزلة العالية عند الله جل وعلا. قال: فلولا منزلتي العالية عند الله وكرامتي علي ما أعطاني هذا في الدنيا. ولذلك قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. دفعه هذا الغرور بالغنى إلى أن يتكبر على صاحبه الفقير، فقال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وظن المسكين المغرور بماله أن مجال التفاضل هو كثرة المال، وهو لكثرة ماله أفضل من صاحبه، وهذا ميزان باطل ومقلوب. فالله جل وعلا يقول: أيحسب أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وقال تعالى في هذه الآية يخبرنا عن هؤلاء المغرورين عباد الله. وهذا الغرور والكبر الذي أصاب صاحب الجنتين بسبب الغنى هو نفسه الذي أصاب قارون كما أخبرنا الله جل وعلا في كتابه العظيم. عباد الله، تعالوا بنا لنستمع إلى الرجل المؤمن وهو يذكر صاحبه بأصله الذي خلق منه ويذكره بفضل الله جل وعلا عليه لعله ينتفع. قال جل وعلا: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. عباد الله، يقول الله جل وعلا مخبرا عما أجاب به الرجل المؤمن صاحبه واعظا له وزاجرا إياه عما هو فيه من الكفر بالله جل وعلا وعما هو فيه من الاغترار بما يملك: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. هذا إنكار عظيم منهم لما وقع فيه صاحبه من جحود لربه الذي خلقه وابتدأ خلقه من طين ثم سواك رجلا، أي عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. والمؤمن إنما اعتبر صاحبه كافرا بالله جل وعلا جاحدا لأنعمه لشكه في البحث بعد الموت. ثم قال الرجل المؤمن لصاحبه: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ولا أشرك بربي أحدا، أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له، فلا أعبد سواه ولا أعبد معه غيره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله chaque croyant chaque croyante Allah dans son livre notre créateur dans son livre nous donne des paraboles et des exemples et nous narre plutôt des récits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné au sujet de peuples anciens et nous a informé au sujet de certaines histoires. Allah nous dit dans le Coran que les gens intelligents, doués d'intelligence, méditent ces histoires. Et donc dans le Coran, il y a des histoires à méditer dont il faut réfléchir et le croyant, tout au long de sa vie, trouvera des bénéfices, des enseignements, utilité à méditer, à réfléchir ces histoires. En l'occurrence, dans une époque où on oublie certaines anciennes valeurs, comme l'entraide, comme le partage, et l'âme, la personne peut tomber dans ce qu'on appelle la cupidité, l'avidité, la convoitise, de tomber dans ce qu'on appelle ce sentiment d'individualité et dans le matérialisme. Et donc on a besoin de se rappeler certaines histoires qu'Allah Jalla wa Ala nous narre dans le Coran. Surtout que les savants, les grands théologiens musulmans nous enseignent que beaucoup pensent lorsque les bienfaits leur sont octroyés, lorsqu'ils vivent avec des fortunes, de l'argent et qu'Allah Jalla wa Ala leur a donné, ils pensent que c'est des bons signes. Et que celui qui a été privé, celui qui est privé de bien, qui n'est pas forcément riche, alors il pense que celui-ci n'est pas aimé du Créateur, et que le riche est plus aimé du Créateur. Or, les savants nous enseignent en nous disant qu'Allah Jalla wa Ala, il donne les biens de cette vie d'ici-bas à ceux qu'il aime et à ceux aussi qu'il n'agrée pas forcément, c'est-à-dire à ceux dont il est satisfait et ceux dont il n'est pas forcément satisfait. Il donne les biens et l'argent et les fortunes à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas aussi. Tandis que les savants nous disent qu'il y a une chose dont Allah Jalla wa Ala octroie seulement à ceux qu'il a agréés et ceux dont il est satisfait, ceux dont il aime. Et les savants nous disent ça c'est ad-din et la religiosité ou l'iman, la foi. Donc si tu vois qu'Allah Jalla wa Ala a mis la foi dans ton cœur, alors sois reconnaissant, puisqu'Allah Jalla wa Ala, al-Iman, il le met dans le cœur, il octroie cela à ceux qu'il aime seulement, différemment de l'argent et des biens. Ça, il peut donner à ceux qu'il aime, ceux dont il agrée et ceux dont il n'a pas forcément agréé. Et donc, il y a une histoire très rapidement à méditer dans le Coran qu'on appelle l'histoire de Qissatu Sahib al-Jannatayn, l'histoire du propriétaire des deux jardins. Regardez dans une traduction relative et littérale des sens de ces versets. Allah Jalla wa Ala nous dit « Propose-leur la parabole de deux hommes ». Et cette histoire, on la lit au minimum une fois par semaine lorsqu'on lit la sourate La Caverne le vendredi. Parfois, on passe à côté de cette histoire et donc on ne médite pas cette histoire. Pour cela, j'ai voulu qu'on se fasse un très bref rappel sur cette histoire qui est mentionnée parmi les autres histoires qu'il y a dans la sourate La Caverne. Et donc au verset 32, Allah Jalla wa Ala dit « Propose-leur la parabole de deux hommes ». C'est l'histoire de deux hommes. L'un était riche et l'un était ébloui par sa richesse. Et c'est le propriétaire de deux immenses jardins qui vont être décrits dans ces versets. Et l'autre, son compagnon, c'était un croyant. Il était croyant. Allah nous dit « À l'un d'eux, nous avons accordé deux jardins plantés de vignes ». Et méditer, les savants nous disent, Allah Jalla wa Ala s'est attribué cela. C'est-à-dire, le pourvoiement et la donation de cela, Allah, nasaba dhalika li nafsi. Il s'est attribué cela. On déduit de cela que tous les bienfaits qu'on a dans cette vie d'ici-bas, dont on est comblé, tout cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette personne qui fut éblouie par sa richesse et ses immenses jardins, comme vous allez voir la traduction et la description de cela, lui, en réalité, c'est Allah Jalla wa Ala, c'est le Créateur qui lui a octroyé et donné cela. Alors Allah nous dit, nous avons accordé deux jardins plantés de vignes entourés de palmiers. Et donc là, une description de ces jardins que j'ai énuméré en arabe. Parmi la première description, c'était deux immenses jardins plantés de vignes. Allah nous dit, entourés de palmiers et séparés par un champ cultivé. Chacun des deux jardins produisait sa récolte sans jamais manquer. Sans jamais manquer. Elle produisait des récoltes sans jamais que ça manque. Allah nous dit. Et nous avons fait jaillir entre eux une rivière. Une rivière qui jaillissait dans ces jardins, entre les deux jardins. Allah nous dit, obtenez ainsi d'importantes récoltes, c'est-à-dire leurs propriétaires. Allah lui dit, obtenez ainsi d'importantes récoltes. Et il dit à son compagnon, alors le propriétaire de ces immenses jardins et cette richesse, il dit à son compagnon avec qui il conversait. Donc un jour il était avec son compagnon. Son compagnon était croyant. Et lui était incrédule. Il ne reconnaissait pas les bienfaits de son créateur. Alors un jour, il était avec son compagnon, qui était croyant. Les deux conversaient et lui dit, je possède plus de biens que toi et mon clan est plus puissant. Donc il a commencé à se vanter de ses biens et de sa richesse. Et il s'est vanté aussi de son clan. À l'époque, ça, c'était quelque chose de considéré chez les gens. Alors il entra ensuite dans son jardin. Après qu'il conversa avec son ami, il rentre dans le jardin, se faisant tort à lui-même. Allah le décrit comme étant « Zalimun li nafsi ». En réalité, il s'est fait tort à lui-même. Comment ? Lorsqu'il a mécru au bienfait de son créateur. En réalité, c'est son créateur, c'est son seigneur qui lui a octroyé cette richesse et ses bienfaits et cette fortune. Et lui, en mécroyant à cela, Allah Jalla wa Ala le décrit comme étant une personne qui s'est fait du tort à lui-même par son incrédulité. Et il dit, je ne pense pas que je puisse jamais disparaître ou que ceci puisse jamais disparaître. Donc il pensait que ça allait éterniser. Il ne pensait pas que ses bienfaits un jour il pouvait les perdre. Et un jour que ses bienfaits pouvaient s'en aller et perdre la possession de celle-ci. Alors il dit, et je ne crois pas que l'heure surviendra. Et il réfutait aussi, il niait l'heure aussi. Il ne croyait pas en la résurrection. Donc Allah Jalla wa Ala lui a donné cette richesse, il mécroit au bienfait de son créateur, mais aussi en même temps, il a nié en la résurrection. Il a réfuté la résurrection et pas cru en cela. Et il dit d'abord, si je devais être ramené vers mon Seigneur, je jurerais d'un sort bien meilleur encore. Mais il dit dans tous les cas, si je devais revenir vers mon Seigneur, alors mon sort serait encore meilleur. Pourquoi ? Parce que pour lui, il s'est dit, Allah m'a donné ici-bas. J'ai des richesses et des fortunes ici-bas. Et j'ai des biens et j'ai de l'argent. Alors, si je dois revenir vers mon Seigneur, j'aurai meilleur. Pourquoi ? C'est ce dont on a fait allusion au début du serment. C'est que beaucoup de gens pensent que lorsque les biens sont ouverts et exposés à eux, lorsqu'ils sont comblés de richesses, ils pensent donc qu'ils sont meilleurs que autrui, que les indigents, que les pauvres, que ceux qui sont dans la nécessité. Et d'ailleurs, ça, c'était l'ambiguïté des polythéistes arabes à l'époque à la Mecque. Un jour, ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que beaucoup qui étaient autour du prophète et avaient accordé foi au message du prophète étaient des pauvres. Donc, ils avaient dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, expulse les pauvres de tes assises pour que celles-ci soient dédiées à nous. Mais Allah ensuite, Allah a révélé un verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant uniquement son visage et ne te détourne point de ton regard pour rechercher la parure de ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons distrait le cœur de notre rappel qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Lorsqu'ils demandèrent au prophète d'écarter les pauvres, les miséreux de ces assises pour que celle-ci soit dédiée à eux, Allah Jalla wa Ala révéla ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rester avec les pauvres. De rester avec les pauvres. La grandeur de la personne, ce qui fait cette grandeur de cette personne, ce n'est pas sa richesse et ce n'est pas ses biens. Par contre, les savants nous disent, Allah Jalla wa Ala peut t'éprouver avec la richesse. Et là, tu dois alors le remercier. Ton épreuve, c'est de le remercier. Et Allah Jalla Wala peut t'éprouver avec la pauvreté. Là, ton épreuve, c'est de patienter. Donc, si une personne est éprouvée avec la richesse, il remercie Allah, il a fait son obligation. Il remercie son créateur. Il sait que cela provient de lui. Et Allah va lui rajouter. Wala in shakartum la azidannakum. Allah nous dit la azidannakum. Allah va vous rajouter si vous remerciez. C'est ça l'épreuve de celui qui est comblé de ses bienfaits. Et aujourd'hui, walhamdulillah, Allah nous a comblé de ses bienfaits. On ne peut pas se plaindre. Nous et nos sœurs aussi, on ne peut pas se plaindre. Allah Jalla Wala, par rapport à d'autres générations, par rapport à d'autres siècles, par rapport à d'autres contrées, par rapport à d'autres positions géographiques du monde, on n'a pas à se plaindre. En période de froid, il y a du chauffage. En période de chaleur, il y a al-mukayyafat, de la clim. On a de l'eau pour s'abreuver. On a à manger. On a de quoi se réchauffer. On n'a pas à se plaindre. Wala tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Et vous serez certes interrogés ce jour-là au sujet des bienfaits du Créateur. On sera tous interrogés. On n'a pas à se plaindre. Mais si Allah t'a donné, tu dois remercier. Et si Allah ne t'as pas donné ces richesses-là pour ton bien, alors tu dois patienter. Les savants ont même traité la question, quel est le meilleur, celui qui a de l'argent et qui remercie, ou bien celui qui est pauvre et il patiente? Quel est le meilleur? Certains savants ont dit, c'est celui d'entre eux qui est le plus pieux. C'est celui d'entre eux qui est le plus pieux. Donc pour terminer, al-ibra, la leçon à tirer ici, c'est pas la fortune qui fait la valeur de la personne, mais c'est sa piété. Et regardez pour terminer, alors, le compagnon croyant lui dit, lorsqu'il conversait avec lui, « Renies-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte, c'est-à-dire de sperme, puis t'a donné forme humaine? Quant à moi, je ne le renie pas, et j'atteste qu'Allah est mon seul Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Que n'as-tu, en entrant de ton jardin, de dire « Masha'Allah ». Pourquoi lorsque tu rentres dans ton jardin, le croyant lui dit, pourquoi tu ne dis pas « Masha'Allah, la quwwata illa billah » C'est ce qu'Allah a voulu. Et tu remercies ton créateur et tu mentionnes le nom de ton créateur. Il n'est de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur m'accorde ce qui sera meilleur que ton jardin. Et qu'il envoie sur celui-ci une calamité du ciel qui le transformera en sol aride et glissant, ou que l'eau qui l'arrose disparaisse sous terre sans que tu puisses jamais la retrouver. Nasallah jalla wa ala, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ihdina wa ihdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdi shababana wa ihdi nisa'ana wa ihdi banatina ya rabbal 'alamin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ishfi mardana. Allahumma ishfi mardana. Allahumma ishfi mardana. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إننا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك